Il y a une rumeur qui circule un peu partout, qui peut saboter notre réputation. S'il te plaît, chérie, c'est les mensonges. C'est toi que moi j'ai choisi pour fonder notre famille. Tu y es gravé dans mon cœur comme une tache indélébile. Maman, chérie, je t'aime. Toko balana kinozi. nalemba te oh ngai nalemba te oh ngai langue ya babo ton dindima nalemba te.